confronté avec des théologiens et on a été très heureux d'apprendre qu'il était tout à fait dans la ligne de pensée de Vatican II, que c'était un bon catholique, qu'il avait parlé au Père, au Fils et à l'Esprit sur les ondes. Il a donc passé son test avec succès. Et aujourd'hui, on assiste à une vague de créativité dans le monde, de nouveautés, surtout avec le Festival des Nouvelles Danses, le Festival du Nouveau Cinéma. Ce soir, notre ami Daniel Kahn nous prépare son festival à lui sur la nouvelle femme, la femme du Verseau. On accueille donc sans plus tarder, comme il se doit, notre ami Daniel Kemp. Merci pour cette eau nouvelle. Alors Daniel, est-ce que tu vas, comme il y a beaucoup de nouveaux mondes qui sont là ce soir, d'après ce que j'ai pu constater, est-ce que tu vas nous faire un petit résumé de la semaine précédente sur l'homme nouveau, avant de parler de la femme nouvelle? C'est intéressant, on gagne du temps. Alors, tant pis pour les absents, on va rentrer directement dans le sujet qui nous Non, concerne ce c'est-à-dire qu'on va soir. faire un retour sans faire de retour, c'est-à-dire qu'on va simplement expliquer, on va poursuivre la même lignée et en poursuivant la même lignée, en reparlant un peu du travail de la femme dans l'ère présente, comme dans l'ère passée, comme dans l'ère future. Évidemment, le travail de la femme côtoie le travail de l'homme régulièrement. Ça Il va s'ajuster au va niveau s'ajuster au fur et à mesure que je vais niveau du m'attaquer plexus à l'homme. solaire. Attendez, ça va venir. Alors, ce qui fait qu'étant donné qu'on va suivre le cheminement du travail de la femme, on va automatiquement suivre celui de l'homme et automatiquement, sans reprendre les mêmes mots, sans reprendre les mêmes explications, on va revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière, à l'insu de tous ceux qui étaient là la semaine dernière et pour le bénéfice de ceux qui n'y étaient pas. D'accord. Alors, ce qu'on appelle être hypocrite. Ou diplomate, c'est la même chose. Alors, évidemment, c'est préférable, encore une fois, d'avertir le public nouveau. Je ne sais pas si ce sont des hommes nouveaux, mais le public nouveau, de ne pas s'attendre à comprendre tout le vocabulaire que je vais employer si c'est un vocabulaire qui est nouveau, qui est neuf. Et c'est une chose qui est naturelle et normale, je le répète de temps en temps, et même chez les anciens, disons ceux qui viennent de temps en temps, c'est de temps en temps, faut que j'emploie souvent de temps en temps parce que c'est un mot qui est bien compris, difficile à comprendre l'importance d'un nouveau vocabulaire lorsque l'on veut essayer d'exprimer des choses nouvelles. On ne peut pas toujours faire référence à une étymologie ancienne, à un ancien vocabulaire, pour essayer d'expliquer des choses qui n'ont jamais été comprises dans l'Antiquité. Et si elles n'ont jamais été comprises dans l'Antiquité, elles n'ont jamais été communiquées non plus. Si on fait référence à certains grands initiés qui avaient communiqué certaines connaissances, ils les avaient communiquées par le dessin. Ils les avaient communiquées dans des rites. Mais si nous voulons les communiquer d'une façon orale, nous ne pouvons pas employer des mots qui ont été démolis, qui ont été assujettis à différentes définitions continuellement au cours de l'évolution de la langue française. Alors, ce qui fait qu'il est tout à fait normal d'employer un vocabulaire nouveau pour parler de choses nouvelles. Si une personne me suit un tant soit peu de temps, elle finit par intégrer complètement le vocabulaire nouveau et elle peut commencer à comprendre des choses nouvelles. Maintenant, ce n'est pas un vocabulaire qui est immense. Il y a quelques mots à l'intérieur, mais qui valent leur poids en or. Alors, le travail de la femme dans l'Antiquité a été surtout de permettre à l'homme d'évoluer. Et le travail de l'homme dans l'Antiquité a eu presque exclusivement comme fonction de permettre à la femme d'évoluer. Maintenant, nous devons bien comprendre ce soir que je ne fais pas le procès de l'homme ou de la femme d'une façon personnalisée, c'est-à-dire que je vais aborder l'évolution de la femme, l'évolution de la psychologie de la femme dans l'ère du Verseau, comme celle de l'homme, cela va de soi, d'une façon cosmique, c'est-à-dire d'une façon, disons, extraterrestre. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder l'homme à partir de l'homme, je vais regarder l'homme à partir d'au-dessus de l'homme. Alors, si je veux observer de quelle façon moi je chemine dans la vie, si je me place dans mon propre corps et que j'essaie d'observer, je vais voir l'extérieur et en observant l'extérieur, je vais m'exclure de l'extérieur si j'observe le monde à partir de mes propres yeux. Et si je veux connaître mon cheminement dans le monde, je dois essayer d'avoir une vision extérieure à moi de façon à pouvoir me voir dans le monde. Et ça, il faut bien comprendre ce mécanisme. Lorsque vous êtes dans une situation problématique, si vous essayez d'imaginer que la personne qui a ce problème, c'est quelqu'un d'autre, et que vous observez cette personne, de quelle façon elle agit, vous autres, donc elle agit de la même façon que vous, mais vous faites comme si c'était quelqu'un d'autre, vous allez être plus en mesure de pouvoir comprendre ses problèmes, les mécanismes qui sous-tendent ces problèmes et le chemin qu'elle devrait prendre pour sortir de ce problème. Alors, si nous voulons comprendre l'évolution de la femme, le rôle de la femme dans l'évolution de l'humanité, comme le rôle de l'homme dans l'évolution de l'humanité, les femmes ne doivent pas se mettre dans un corps de femme, et les hommes ne doivent pas se mettre dans un corps d'homme, et les vice-versa non plus, c'est-à-dire que l'homme ne se met pas dans le corps d'une femme, et l'inverse. Donc, on doit essayer de comprendre l'évolution de la race humaine, l'évolution de l'humanité femelle et mâle, d'une façon scientifique, si on peut dire, c'est-à-dire que vous devez essayer de voir l'humanité agir. Or, si je dis, par exemple, que la femme, elle a empêché l'homme de toujours créer des guerres, la femme, elle a pacifié l'homme parce que la femme était l'un des mécanismes d'expression de l'amour psychologique sur le plan planétaire, donc d'un amour sécurisant. Alors, si vous dites, oui, mais c'est pas vrai parce que moi, je me mets en colère souvent, puis moi, non. Mais là, vous parlez d'une femme. D'une femme qui a été éduquée par une collectivité, et moi je parle de la collectivité. Je ne parle pas de vous autres en particulier, je parle du rôle de la femme, du rôle de l'homme dans l'évolution d'une humanité, et vous faites partie de cette humanité. C'est donc un point de vue dépersonnalisé. Exactement. Alors donc, le rôle de la femme était et est toujours de permettre à l'homme d'évoluer. Et le rôle de l'homme est de permettre à la femme d'évoluer. Alors, il faut bien comprendre que la femme, elle est un véhicule d'expression d'énergie supérieur au véhicule. Alors, on peut dire supérieur à l'homme si on dit que l'homme est un véhicule. Il faut bien faire la différence entre le rôle du véhicule ou le rôle des véhicules planétaires et l'énergie qui essaie de s'exprimer par l'intermédiaire de ces véhicules. Alors, si vous vous identifiez au véhicule, effectivement, il y a des énergies supérieures à vous. Si vous comprenez que le véhicule n'est qu'un véhicule, vous comprendrez aussi qu'il n'y a pas d'énergie supérieure à vous. Parce que vous habitez ce véhicule ou ces véhicules, et ces véhicules limitent votre expression dans le domaine planétaire, donc dans le domaine de l'expérience évolutive sur le plan de notre planète. Ces véhicules ou ce véhicule, ils sont de polarités différentes chez l'homme et la femme. Et ce soir, je vais essayer de faire comprendre brièvement que lorsque nous disons que la femme, elle est de polarité négative, ou yin, ou lunaire, ou féminine, on ne peut pas comprendre par là qu'elle est inférieure. Et lorsque nous parlons de polarité, lorsque nous parlons par exemple d'aimant, où il y a un pôle nord et un pôle sud, donc un pôle masculin et un pôle féminin, ou un pôle positif et un pôle négatif, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité de polarité. Alors, on va transformer maintenant le terme polarité, négatif, positif, yin-yang, etc., en notation de donneur et de récepteur. Alors, la femme, elle a des corps qui sont récepteurs, tandis que les mêmes corps chez l'homme sont donneurs, et la femme a des corps qui sont donneurs, tandis que les mêmes corps chez l'homme sont récepteurs. Or, de ce fait, on ne pourra plus dire négatif-positif, ce qui va sans doute clarifier un peu plus ces définitions de polarité chez l'homme. Lorsqu'on dit que la femme, elle est d'une polarité négative, donc réceptive, on parle de la femme psychologique surtout, et de la femme physique. Or, la femme, elle a un corps physique qui est récepteur. Tandis que l'homme a un corps physique qui est donneur. Alors, on peut voir juste par la forme, la physiologie des corps, qu'effectivement, la femme elle a un corps qui est récepteur, tandis que l'homme a un corps qui est donneur. C'est ce qu'on appelle, on prend par exemple les prises de courant, alors on a une fiche qui est mâle, une fiche qui est femelle. Bon, mais il y en a une qui donne, puis l'autre qui reçoit. C'est la même chose pour l'homme et la femme. Alors, je pense qu'il faut expliquer plus loin. Bon. Au niveau du plan vital, au niveau du plan de la vie, il faut bien comprendre que le plan vital, c'est ce qui différencie chez l'homme, donc chez la femme, chez l'humanité, une humanité morte d'une humanité vivante, un homme mort, un cadavre d'un homme endormi. Il y a l'énergie vitale, la vie. Sauf que chez la femme, sa polarité vitale est une polarité de donneur. Et chez l'homme, c'est une polarité de récepteur. Donc, l'homme va, par exemple, donner un spermatozoïde à la femme. L'homme, physiquement, est donneur. La femme est réceptrice, récepteur. Et la femme va pouvoir énergiser ce qui a été donné par l'intermédiaire de son propre corps, évidemment, l'ovule, mais qui reste chez elle. Et elle va l'énergiser en énergie vitale, c'est-à-dire qu'elle va être capable de créer la vie, d'entretenir la vie, de bâtir un fœtus pour, en fin de compte, donner une naissance. Au niveau de l'énergie vitale de la vie, la femme, elle est donneuse et l'homme est récepteur. Étant récepteur au niveau vital, l'homme devient automatiquement un être sexuel, ce que la femme ne peut pas être. Parce que l'homme a besoin d'énergie vitale pour pouvoir essayer de retrouver sa polarité antérieure à la séparation des sexes, une polarité neutre. C'est-à-dire que l'homme a besoin de l'énergie vitale de la femme pour arriver à équilibrer son propre énergie vitale. De ce fait, l'homme va inventer. De ce fait, de toute façon, l'homme va rechercher la sexualité parce qu'il se retrouve un peu dans la sexualité, c'est-à-dire qu'il tend à se neutraliser comme mâle. Un homme, avant une relation sexuelle, est un mâle. Après, il n'est ni une femme ni un homme, il est neutre. L'homme va essayer, et au niveau du tantrisme, comme je l'explique de temps en temps, le tantrisme permet qu'à l'homme d'évoluer, il ne permet pas à la femme d'évoluer. C'est un mode d'évolution ésotérique, religieux, dépendant des religions, qui est pour l'homme. La femme, par contre, elle aura un corps astral, c'est-à-dire un corps psychologique qui sera négatif, c'est-à-dire qui sera récepteur. Ce qui fait que la femme, au niveau du plan psychologique, est un être qui est facilement sensible, un être qui est facilement manipulable par des agressions violentes, un être aussi qui sera manipulable plus facilement par la collectivité astrale du plan planétaire, c'est-à-dire par l'astral planétaire, donc par la psychologie planétaire. Cela veut dire que la femme va être un médium, une voyante, c'est-à-dire que la femme va pouvoir entrer en relation, en contact avec le monde parallèle de l'astral, donc le monde des morts, entre autres, plus facilement que l'homme parce qu'elle est réceptive au niveau du plan de la psychologie. Du fait qu'elle est réceptive au niveau du plan psychologique, elle a un ego, parce que l'ego naît dans l'astral, l'ego naît dans la psychologie, chez l'homme comme chez la femme, et du fait qu'elle a un plan astral qui est réceptif, elle n'aura jamais, évidemment ça change, elle n'aura pas de complémentarité complète chez son ego, elle aura toujours besoin qu'on lui donne quelque chose. Tandis que l'homme a un ego qui est complet de par lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin qu'on lui donne, mais l'homme a un ego qui souffre d'exubérance, c'est-à-dire que l'homme a un corps psychologique, un corps astral qui est donneur. De ce fait, l'homme va donner des ordres, l'homme va vouloir commander, l'homme va être beaucoup plus colérique que la femme, l'homme va donner de cette énergie astrale, et l'homme va pouvoir donner donc de la sécurité, de l'affection à la femme. Ce que la femme a besoin en retour. Ce qui fait évidemment que le plan de la relation entre l'homme et la femme, chez la femme, va se faire au niveau du plan psychologique récepteur, au niveau de l'amour, au niveau de l'affectivité, et l'homme va se faire, surtout au niveau du plan, dans la même relation, surtout au niveau du plan sexuel, donc de recherche d'énergie vitale. Alors la femme, elle a besoin de la présence physique de l'autre, mais pas de la relation sexuelle. Elle peut, à un moment donné, par éducation, en avoir besoin, mais on parle fondamentalement. Donc la femme a besoin de la présence d'un autre, et elle a besoin de l'affection psychologique de l'autre. Tandis que l'homme a besoin, lui, de l'énergie vitale de la femme et de la faculté qu'a la femme de générer chez l'homme une énergie mentale. Et ça, c'est quelque chose de neuf, disons, qui n'a pas encore été abordé d'une façon moindrement expliquée. La femme, elle a la faculté de permettre à l'homme de développer un corps mental, donc la femme rend l'homme intelligent. Tandis que l'homme ne rend pas la femme intelligente, l'homme rend la femme sécure. Évidemment, plus les contextes sociaux évoluent, plus il y a de mélange à travers les hommes, plus les manipulations sociales se font sentir, et évidemment, on a des perturbations à ce niveau-là. Alors donc, si je résume brièvement ce mécanisme, parce qu'il est extrêmement important qu'on comprenne la fondamentalité de la structure conceptuelle chez l'homme et chez la femme, pour arriver à comprendre pourquoi l'homme agit de telle façon et pourquoi la femme agit de telle autre façon, et ce qui va, à un moment donné, vous permettre aussi de vous comprendre, de vous retrouver, lorsqu'à un moment donné, vous allez vivre des choses nouvelles qui sont anormales, c'est-à-dire qui ne sont pas encore vécues par la masse, donc sont anormales, ce n'est pas la normalité qui le vit, mais qui sont naturelles dans le développement conscientisé chez la femme comme chez l'homme. Autre chose, si on veut savoir si l'énergie supramentale, par exemple, est polarisée, féminine ou négative, elle est neutre, elle n'est pas polarisée. Par contre, lorsqu'elle sera reçue par la femme, elle aura une expression polarisée par les corps féminins, et lorsqu'elle sera reçue par l'homme, elle aura une expression polarisée par le corps de l'homme. Je voulais te demander si on pouvait résumer ça de la façon suivante, surtout dans la dernière tranche de tes explications. Est-ce qu'on peut dire que l'homme comble les carences affectives de la femme, alors que la femme comblerait les carences mentales de l'homme? Voilà. Alors, la semaine dernière et d'autres conférences, on a vu brièvement, maintenant encore une fois, ceux qui auraient de la difficulté à percevoir parce que le vocabulaire est neuf ou des choses sont nouvelles. Premièrement, on a déjà 85 ou 86 fois 2. On a presque, de toute façon, presque 200 heures de conférences de fait sur différents sujets et on a des titres. Alors, à un moment donné, si vous voulez fouiller un peu plus, il y a des librairies qui fournissent suffisamment de documentation et il y a différentes conférences de moi ou de d'autres conférenciers qui peuvent quand même donner un petit coup de pouce. Maintenant, c'est important que l'homme arrive à comprendre ce qui se passe chez lui et de quelle façon l'autre agit pour pouvoir cesser de toujours constituer, créer des guerres, des chicanes, des calomnies, des désharmonies, simplement parce qu'il ne comprend pas que l'autre n'agisse pas comme lui, mais alors que lui-même essaie d'agir comme les autres. Alors donc, il faut bien comprendre ces mécanismes et ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas une spéculation. Une spéculation ou une philosophie, une discussion de salon, c'est lorsqu'on parle pour triper, mais qu'on ne peut pas, on n'a rien à pratiquer, on ne veut pas changer. Mais si on veut changer, on peut changer à coup de coup de pied dans le derrière, mais on peut aussi raisonner, réfléchir, et après, faut intégrer, faut essayer de mettre dans la pratique. Faut observer, faut laboratoiriser, c'est-à-dire qu'il faut essayer de voir la vie comme étant une école ou un laboratoire pour voir que les choses que nous avons compris, imaginées ou apprises, ça marche ou ça marche pas. Mais pas seulement en regardant une ou deux personnes et en essayant de ne pas se juger. Vous devez vous placer dans le monde des vivants et vous exclure pour voir comment vous agissez, vous autres aussi. Parce que si l'ego de l'homme ou de la femme est trop puissant, que elle, c'est le nombril du monde, et elle observe le monde à partir d'elle. Elle va juger le monde à partir de ce qu'elle est, elle. Donc, elle ne pourra pas connaître le monde, cela va de soi. Alors, si on résume brièvement, L'homme comme la femme, lorsqu'il est jeune, il reçoit, premièrement, il a un corps physique, donc à partir de la naissance. Et jusqu'à l'adolescence, la glande pinéale, le système endocrinien relié à la glande pinéale, va sécréter des hormones qui vont empêcher la sexualité chez l'enfant d'apparaître, que ce soit féminin ou masculin. Et cette sexualité va permettre à l'énergie vitale chez l'enfant de pouvoir se canaliser surtout vers le cerveau et vers le centre laryngé, donc le centre de la parole, pour pouvoir permettre une programmation suffisamment supérieure, suffisamment avancée de la conception cérébrale, neurologique et aussi au niveau de l'expression énergétique du mental, pour permettre à l'enfant de devenir un être qui aura une intelligence suffisamment avancée. À partir de l'âge de presque 12 ans, maintenant, la fille, c'est un peu plus rapide, parce que la femme n'a pas besoin comme l'homme, d'avoir un mental ou une cérébralité d'une nature aussi développée. Ça ne donne pas, ça ne veut pas dire que la femme est moins intelligente, ça n'a aucun rapport. On va revenir sur ce que ça apporte à l'homme d'avoir un cerveau mieux programmé ou plus enclin à exprimer des énergies. Il faut bien comprendre que le cerveau, que l'énergie mentale chez l'homme est une énergie qui est réceptive, tandis que l'énergie mentale chez la femme est une énergie qui est donneur. Or, si on revient, le corps physique chez la femme est récepteur, le corps vital est donneur, elle entretient la vie, le corps psychologique est récepteur, elle a besoin d'affection, le corps mental est donneur. Le corps de l'homme, le corps physique est donneur, le corps vital est récepteur, il a donc besoin de l'énergie de la femme aussi parce qu'il lui manque d'énergie vitale pour construire son cerveau. Il a un corps psychologique qui est donneur et il a un corps mental qui est récepteur, ce qui va permettre à l'homme d'entrer le premier en contact avec les énergies supramentales parce qu'il a un corps mental récepteur, ce que la femme n'a pas. Alors donc, l'homme a besoin de la femme, premièrement, que la femme lui donne de l'énergie vitale parce que cette énergie vitale va permettre à l'homme de construire ce corps mental. Donc, d'aider le corps mental, ce qui fait que l'homme reste un être sexuel au niveau de l'énergie vitale, et évidemment, pour aller la chercher, il a besoin de passer par l'intermédiaire du plan physique, donc des relations sexuelles. Alors, ce qui fait que la femme, elle aura besoin, elle, la femme, elle a un ego, elle a un corps, elle a un âme, qui souffre de plusieurs aspérités, de plusieurs trous, de dépression, qui devrait être comblé par le surplus dans le plan psychologique ou dans le plan astral de l'homme. Ce qui n'est pas faisable. Par contre, cela crée un mécanisme, cela crée une dynamique d'évolution qui fait que la femme bouge dans un sens, la recherche de l'affection, la recherche de l'amour, et que l'homme bouge dans un autre sens, la recherche de l'énergie vitale, ce qui rend l'homme sexuel. Si la femme serait de même polarité que l'homme, donc si la femme serait aurait besoin de l'énergie vitale de l'homme sexuelle, donc si la femme serait sexuelle et si l'homme serait sexuel, dans la relation sexuelle, les deux s'auto-voleraient de l'énergie vitale, il ne se passerait rien. Et autre chose, lorsqu'on aurait un enfant, personne ne s'en occuperait. Pour la simple raison que c'est la femme qui crée l'amour et c'est la femme qui va vouloir créer le lien familial, c'est la femme qui va vouloir avoir l'enfant, c'est la femme qui va le porter, c'est la femme qui va le créer, pas juste au plan physique et vital, mais au plan psychologique, et c'est la femme qui va aussi s'en occuper par après. D'ailleurs, c'est elle qui va allaiter. Il y a eu un temps où la femme avait une polarité différente de celle qu'elle a présentement, et l'homme s'occupait des enfants, même si la femme donnait vie. Mais ça, c'est autre chose, on parle de notre temps présent et quelque peu passé. Si les deux seraient amoureux, si l'homme n'a pas besoin de l'énergie vitale de la femme et si la femme n'a pas besoin de l'énergie vitale de l'homme, si l'homme est amoureux et si la femme est amoureuse, les deux peuvent s'auto-échanger de l'affection, mais on n'aura pas de procréation. Parce qu'on n'a pas besoin de la relation sexuelle. Alors, il faut bien comprendre que c'est un mécanisme qui n'est pas bâtard, c'est un mécanisme qui est hautement intelligent, hautement coordonné, c'est un mécanisme qui fait que les polarités de l'homme et de la femme sont alternativement différentes. Est-ce que tu penses que les structures familiales vont continuer à être maintenues malgré le choc auquel on assiste aujourd'hui là, au niveau des rôles réciproques de l'homme et de la femme? Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus que la femme est au travail, que le bébé est à la garderie, puis l'homme est à la taverne. C'est quelque chose qui a changé quand même. Là. Je ne sais pas si... L'homme a pas mal toujours... Qui est-ce qui va élever le bébé si c'est la garderie aujourd'hui, la femme ou l'homme? Oui, disons qu'on personnalise de plus en plus la société, ce qui fait qu'on fait que la société va élever un peu plus. Disons que la femme, présentement, la femme, elle a un corps mental positif. Ce qui fait que la femme, elle a la possibilité d'avoir une intelligence beaucoup plus pragmatique que l'homme, beaucoup plus matérialiste que l'homme, beaucoup plus efficace dans la matière que l'homme, et plus ça va aller, plus la femme va vouloir travailler, moins la femme va s'occuper, disons, des enfants, même si elle va aimer, ce qui fait que, par contre, que la femme va refuser d'avoir des enfants. Oh, pendant un laps de temps, c'est l'homme qui a inventé les pilules anticonceptionnelles, tout ce mécanisme-là, pour avoir la relation sexuelle avec la femme sans que ça cause trop de problèmes à la femme. Parce qu'à un moment donné, la femme en voulait plus parce qu'elle avait des enfants. Par contre, la femme va elle-même se prendre en main, et là, on parle, disons, de la psychologie de la femme nouvelle, la femme du verso. Elle va de plus en plus se prendre en main et elle va de plus en plus vouloir gérer la matière. Donc, elle va devenir hautement scientifique. Elle va pousser la médecine à un point que l'homme ne l'a pas poussé. Elle va faire des choses qui n'ont pas été faites ou n'ont pas été possibles par l'homme pour l'instant, parce que l'homme avait un point de vue qui était exclusivement créé par les nécessités que la femme exprimait. Alors, je vais expliquer un peu plus ce mécanisme. Présentement, la femme, elle a créé une marche d'évolution. L'homme est monté sur cette marche d'évolution et l'homme est en train de monter la femme sur cette marche d'évolution. Principe de l'ascenseur, là, on se le renvoie au fur et à mesure. Mais maintenant, l'homme va créer une autre marche. La femme va monter sur cette marche et la femme va aider l'homme à monter en haut. C'est alternatif parce que chaque fois qu'on s'adresse à une énergie différente, on a une polarité différente qui est à la tête. Alors, regardons ceci. La science a été créée par la femme. Il n'a pas été créé par l'homme, la science. C'est l'homme qui a travaillé dans la science pour l'exprimer. Mais l'homme a exprimé la science, l'homme a travaillé dans la science pour amener la sécurité à la femme de façon à avoir l'échange sexuel. C'est-à-dire, et là je parle non pas de votre point de d'une personne en particulier, on parle d'une société. Ce qui fait que la femme, elle a besoin de sécurité, et elle a besoin de nourriture, elle a besoin de vêtements, elle a besoin d'un confort au foyer, que l'homme n'avait pas de besoin si on retourne un peu en arrière. La femme avait besoin. La femme avait besoin d'un bain, la femme avait besoin d'eau chaude, la femme avait besoin de parfum, pas l'homme. L'homme s'en foutait royalement. À la longue, par coloration, la femme a obligé l'homme à se laver. Mais l'homme, c'était pas nécessaire. D'ailleurs, vous savez très bien que la majorité des femmes, que même encore souvent, vos enfants ou même vos maris, enfin, certains sont bien éduqués, mais quand même, ça se lave pas comme une femme. Voilà. Oh, évidemment, la société évolue, mais il faut comprendre les mécanismes quand même de l'ancien temps. Si on regarde un coureur des bois, sa femme était beaucoup plus propre que lui. Et si on va dans les pays sous-développés ou en voie de sous-développement, on peut voir très bien que la femme n'est pas très propre, mais que l'homme est pas mal pire. des pays en voie de sous-développement. Oui. C'est plus ou moins ça qui se passe présentement. Alors, ce qui fait que lorsque la femme veut quelque chose, elle demande à l'homme. Mais la femme n'avait pas la possibilité d'être réceptive au niveau du plan, d'être réceptive au niveau du plan mental. C'est-à-dire que l'homme était réceptif au niveau mental. Et donc, la femme, elle exprimait des idées pour recevoir de l'affection. C'est-à-dire qu'elle avait besoin d'un cadre. Pas juste l'homme qui amène l'affection. Il y a aussi le cadre, les fleurs, les peintures, plusieurs choses. Un climat d'harmonie. Oui, l'habillement. Parce qu'on pense que la femme s'habille pour être sexuelle. La femme s'habille parce que cela lui amène, au niveau psychologique, des mécanismes. Elle aime se trouver belle. Et ce n'est pas... Elle aime aussi que l'homme la trouve belle. Elle aime aussi que les autres femmes la trouvent belle. Mais ce n'est pas d'une même forme d'expression que l'homme qui s'habille beau pour accrocher une fille, tandis que la femme se met belle, même si elle est seule chez elle, même si elle sort tout seule, pour n'importe quelle raison. La femme va essayer. Elle a un sens d'esthétique à ce moment-là. Exactement. Et ce mécanisme de l'esthétique, de la sécurité, du foyer, donc de plusieurs formes d'expression dans le plan psychologique, a forcé l'homme, qui lui était réceptif au niveau du plan mental, de pouvoir intellectualiser la demande de la femme et de pouvoir commencer à inventer, par exemple, une teinture à cheveux, pouvoir inventer un mécanisme pour chauffer l'eau, pouvoir inventer toutes les cosmétiques qui existent. Maintenant, les femmes commencent à en inventer, mais c'est l'homme longtemps qui a eu l'apanage de cela. Et évidemment, la femme prenait ce que l'homme lui donnait, mais l'homme le créait parce que la femme l'avait demandé antérieurement. Alors, ce qui fait que la femme, par son besoin donné à l'homme, elle a obligé l'homme à travailler pour donner à la femme de façon à ce que l'homme puisse recevoir de la femme. Ah, c'est elle la coupable. Je me suis toujours demandé qui c'était qui avait inventé ça, le travail. Alors, c'est la femme. Effectivement, c'est la femme qui a inventé le travail. Et plus l'évolution avance, plus la femme commence, parce que la femme, à un moment donné, elle ne s'est pas émancipée, elle a été émancipée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les énergies chez la femme, du contact avec l'homme qui avait un mental relativement évolué parce que la femme le poussait dans le derrière pour inventer des choses qu'il avait besoin, pour un four auto-nettoyant, pour une laveuse à linge, pour un paquet de mécanismes. La femme avait créé le cadre familial, la femme allaitait l'enfant, la femme elle avait froid, la femme voulait protéger son enfant et elle gueulait après l'homme. L'homme violait la femme, comme les animaux violent encore, comme le mâle viole encore au niveau animal la femelle. Mais pour avoir cela, la femme a fini par faire une espèce de chantage. Et il y a eu un échange d'énergie où l'homme amenait à la femme la nourriture, donc l'homme allait chasser. Parce que chez les animaux, c'est encore la femelle qui chasse. Mais dans les tribus, chez l'homme est le chasseur, l'homme est le guerrier. Évidemment, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de guerriers ici. Mais faut comprendre que je parle d'un processus d'évolution. Oui. Alors, on a donc... Des pêcheurs et des menteurs aussi. Alors, ce qui fait que plus on va avoir de besoins que la femme va exprimer à l'extérieur pour échanger avec l'homme de son énergie vitale, donc plus l'homme va devoir travailler pour inventer, pour satisfaire la demande de la femme, ce qui va obliger l'homme à avoir un intellect hautement développé, une énergie mentale de plus en plus développée, de plus en plus réceptive, donc de plus en plus inventeur. Je ne dis pas créateur, pas pour l'instant, mais disons inventeur. Tandis que la femme, elle, va créer l'esthétique, mais elle va obliger l'homme à lui fournir ce qu'il faut pour pouvoir exprimer son esthétique. Donc, continuellement, la femme, par ce qu'elle demandait à l'homme en échange de la relation avec elle et l'homme, que ce soit au niveau du plan, surtout au niveau du plan sexuel, elle a obligé l'homme elle a construit une marche pour l'homme qui ait la possibilité d'avoir l'énergie mentale. L'homme a été obligé de monter dessus et l'homme a commencé à fournir à la demande psychologique de la femme des choses matérielles pour pouvoir la satisfaire. Et évidemment, l'homme en bénéficie. Sauf que l'homme s'en contente très rapidement, tandis que la femme ne s'en contente pas. Alors, ne s'en contentant pas, elle redemande toujours et l'homme recrée continuellement. Alors, évidemment, dans une société comme la nôtre, où à un moment donné, on a aussi une valeur, disons, monétaire, qui finit par camoufler, par subtiliser le mécanisme de demande de la femme, on finit par penser que ce n'est plus ça, c'est parce qu'on veut vendre. Mais la majorité, vous rentrez dans un magasin de linge, on a un quart du magasin pour l'homme, trois quarts pour la femme. Hein? Vous entrez dans... La majorité des choses que l'on va vendre vont surtout... C'est la femme qui va choisir, plus souvent qu'autrement. Évidemment, il y a une évolution, je parle encore au niveau cosmique, alors je ne veux pas qu'une personne dise « Oui, mais moi, c'est moi qui ai choisi les meubles, puis je suis un homme. » Il y a des exceptions parce qu'il y a l'éducation, parce qu'il y a plusieurs choses, mais encore là, même encore là, plus souvent qu'autrement, la femme... tôt. La femme va choisir le décor de la maison. La femme va vouloir changer des choses. Et l'homme va travailler au service de la femme. C'est ce que toujours l'homme a fait. Sauf que la femme, présentement, elle est rendue à un niveau où elle est capable de supporter sa polarité d'honneur au niveau mental, donc sa non-réceptivité mentale. Elle a maintenant tellement appris qu'elle est capable, et de plus en plus, la femme va vouloir se prendre en main. Alors, évidemment, on parle du contexte industrialisé, le contexte dont le plus évolué au niveau de la planète, le contexte surtout nord-américain, où la femme va vouloir de plus en plus se prendre en main, se séparer du mécanisme qui l'oblige à recevoir de l'émotivité de l'homme. Donc, la femme va vouloir se séparer de l'homme. Elle va, si elle ne comprend pas, penser que l'homme est juste un cochon. Si elle comprend, elle va comprendre les mécanismes d'échange d'énergie. Parce qu'évidemment, il faut comprendre des choses. Mais la femme, de plus en plus, va devenir une personne qui va être capable, et beaucoup mieux que l'homme, d'organiser la matière. Il n'y aura pas de guerre. Si on dit, oui, mais dans l'Antiquité, non, je parle dans l'avenir, lorsque la femme va organiser la matière, il n'y aura plus de guerre possible. Parce que la femme n'est pas une guerrière. Elle peut défendre des choses, mais la femme est régie par un plan qui est beaucoup plus organisé, ordonné, que le plan de l'homme au niveau mental, où l'homme veut continuellement se prouver. La femme, elle peut être éduquée à vouloir se prouver, mais la femme ne compétitionne jamais autant que l'homme. C'est au niveau de la protection, elle te dit que l'homme, c'est au niveau de l'agression. Exactement. L'homme va vouloir agresser pour se prouver, la femme n'a pas besoin de se prouver de la même façon que l'homme. Alors, la psychologie de la femme nouvelle va amener la femme, premièrement, à pouvoir comprendre la matière aussi bien que l'homme. On aura des femmes qui vont être mécaniciens aussi bien, sinon mieux que l'homme. On aura des médecins, d'ailleurs, ça a pris un certain temps avant que la femme devienne médecin, avant que la femme devienne juge, avant que la femme commence à conduire une auto. Et on n'a pas plus, en pourcentage, on n'a pas plus d'accidents avec la femme qu'avec l'homme. C'est plutôt l'inverse. Parce que la femme, elle est beaucoup plus ordonnée. Le seul handicap de la femme présentement, c'est qu'elle est encore énormément régie par le plan de son émotivité. Ce qui fait que si tu fais peur à une femme qui chauffe une auto, elle peut avoir un accident. Mais pas parce que les femmes en état d'ébriété qui conduisent un char sont rares en maudit. Alors, pas parce que la femme se coordonne mal, parce qu'émotivement, elle peut être prise. Alors, une femme peut se battre si émotivement, elle est prise. L'homme va se battre si tu l'insultes. L'homme va se battre si tu brises une chose matérielle. La femme, elle va parlementer, elle va faire d'autres choses. Alors, c'est totalement différent en ce qui concerne l'un et l'autre, mais ça permet à l'un et l'autre de s'entraider. L'homme ayant un mental qui est énormément récepteur, c'est lui qui va être le premier à transformer la matière pour répondre aux besoins de la femme. C'est quand même la femme qui oblige l'homme à travailler pour elle, donc qui oblige l'homme à travailler avec son énergie mentale, donc qui oblige l'homme à devenir mental ou intelligent, disons intellectuellement pour l'instant. L'homme ayant un mental récepteur, c'est l'être le premier qui va entrer en contact avec les énergies que nous appelons extraterrestres ou extraplanétaires, avec premièrement l'énergie supramentale, c'est-à-dire l'énergie du mental supérieur, qui pourrait être approchée à l'énergie de l'Esprit-Saint ou du Saint-Esprit au niveau de nos écrits antérieurs. Venite Creator Spiritus, c'est ça. Ouais. Alors, si tu regardes... Il n'y a personne qui rit, hein, t'as remarqué, quand on dit quelque chose en latin, figé dans le sacré. Original. Entre nous. Sacré, sacré. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme... Pourquoi, par exemple, souvent on se plaint que... Prenons les tableaux ici. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes dans les grands initiés? Il y a bien des hommes en jupon ou en robe, hein, mais il n'y a pas de femmes. Mais il n'y a pas de femmes dans les grands initiés. Ouais. Pour la simple raison que la femme ne pouvait pas entrer en contact avec l'énergie supramentale. C'était impossible. Et présentement, la femme ne peut pas, de par son propre énergie, entrer en contact avec l'énergie supramentale parce que la femme n'a pas un mental réceptif. Donc, elle ne peut pas recevoir de cette énergie. Par contre, la femme va de plus en plus pouvoir bénéficier et baigner dans l'énergie supramentale parce qu'elle oblige l'homme, par la création du corps mental de l'homme, à aller chercher cette énergie. Alors, donc, dans l'Antiquité, on n'avait pas d'humanité mentale. On avait quelques rares exceptions qui étaient des hommes. Et même si la femme avait une particularité, celle de pouvoir engendrer un homme extraordinaire, ou encore celle de pouvoir être plus voyant parce qu'elle était en contact par son plan psychologique avec le monde de l'astral. Donc, elle pouvait rencontrer des anges, elle pouvait rencontrer des archanges, elle pouvait avoir des contacts avec des supposément expressions divines parce qu'elle avait cette possibilité d'être réceptive dans le plan de l'astral, ce que l'homme n'avait pas. L'intuition aussi. L'intuition, c'est ça. C'est une définition, c'est un synonyme de tout ce que je viens de dire. C'est l'intuition féminine. Tandis que l'homme, lui, avait beaucoup plus d'intellect, un raisonnement beaucoup plus matériel, mais non pas nécessairement esthétique comme la femme. Alors, on peut presque penser que la femme, elle serait plus ordonnée que l'homme dans tout son schéma évolutif, mais elle est plus manipulable que l'homme dans son plan psychologique, tandis que l'homme serait moins ordonné, mais l'homme peut avancer plus vite. Je ne sais pas si dans les deux, c'est la femme qui est la plus manipulable. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. Moi. Parce qu'au travers de tout ce que tu me dis, là, on sent qu'en fait, c'est la femme qui guide l'homme. Oui. C'est elle qui le manipule. Va me chercher ceci, va me chercher de l'intelligence, va me chercher du mental, va me chercher ça. Attention, avec cette différence, c'est que la femme, elle est manipulable par le plan de l'astral collectif, tandis que l'homme est manipulable par la femme. OK, alors c'est ce qui est différent. C'est sa faiblesse, c'est son talon d'Achille. Son énergie vitale. À l'homme. Son talon d'Achille, justement, c'est même très bien, le talon d'Achille, c'est ce qui a tué Achille, et c'était sa vie qui est sortie par là. Et effectivement, le talon d'Achille de l'homme, c'est son énergie vitale, l'homme a besoin de l'énergie vitale de la femme, et il pourra aller la chercher seulement dans une relation sexuelle. Alors, ce qui fait que, et je ne veux pas mettre toute la relation entre le couple au niveau de la sexualité, simplement que l'homme, à un moment donné, par son apprentissage, par le contact avec sa femme, par son éducation, par son évolution, finit aussi par se contenter d'une relation sexuelle une fois par mois ou une fois par 6 mois. Mais on parle, dans la majorité des cas, si un homme s'ennuie pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, à un moment donné, il va finir par se créer une relation sexuelle ou aller en chercher une. Tandis que si la femme s'ennuie, elle va chercher un contact, elle va chercher à faire d'autres choses ou elle va tomber dans une dépression, mais ça ne sera pas la même expression que l'homme. Sauf que l'homme a quand même besoin, et plus cela va aller, plus l'homme va être capable de bénéficier de l'énergie vitale de la femme sans passer par la relation sexuelle, simplement par l'échange au niveau de la vibration du langage. Donc, automatiquement, parce qu'il faut bien comprendre que le langage... Je ne sais pas si j'ai hâte ou pas de voir ce temps-là arriver, moi, en tout cas. On va faire des échanges. Avec la parole. Redis-moi ça, là, comment est-ce qu'on va s'envoyer en l'air, là, avec les organes de la gorge, là. Répète-moi ça. C'est déjà commencé. Oui, peut-être dans ton cas. Non, je parle, là, non. T'es bien chanceux. Avec la bouche. Non. Alors, voilà. Explique-nous ça, là. Ça, c'est intéressant. Pousse-toi les oreilles. Non, c'est pas tout de suite. Vas-y, là. Bon. Reprends-moi ça, là. Lentement. Parce que là, j'ai besoin d'intégrer, ça. Alors, tu vas intégrer. L'homme a besoin de vin. D'accord avec moi? Oh, là, je suis d'accord. Ça va. Et qu'est-ce que l'alcool? C'est ce qui a été engendré par Noé lorsque son arche s'est échouée sur le mont Arara. Il a planté la vigne, nous disent les Écritures, et s'est saoulé la gueule pendant 6 mois. Oui. Maintenant, l'alcool, elle-même, c'est un principe qui est relativement vital. Qui permet d'oublier aussi. Exactement. Et l'homme recherche l'alcool pour compenser différentes choses au niveau de l'énergie vitale. Parce que l'alcool est extrêmement vitalisé. Et ça compense chez l'homme différentes choses. La femme peut être instruite à boire d'alcool, mais ce n'est pas un caractère typique de la femme de rechercher l'alcool. L'homme, oui. Pour une raison d'énergie vitale au niveau de l'alcool. Alors, ce qui arrive, c'est que la relation, présentement, entre l'homme et la femme, l'homme a besoin de l'énergie vitale de la femme pour pouvoir parfaire sa propre évolution, se retrouver, réénergiser, réharmoniser son corps mental, créer un corps mental de plus en plus avancé. Il a besoin, pour cela, de l'énergie vitale de la femme. Tandis que la femme, elle a une dose d'énergie vitale suffisante pour engendrer un enfant, nourrir un fœtus, orchestrer son évolution complète au niveau cellulaire pour obtenir un enfant qui a de l'allure, elle a beaucoup plus d'endurance physique que l'homme, tandis que l'homme a plus de force physique que la femme. Alors, il y en a un qui a un caractère physique, l'homme, l'autre un caractère vital, la femme, qui a plus d'endurance. Elle résiste plus aux maladies. Pourquoi? Parce que l'énergie vitale d'un virus ou d'une bactérie, lorsqu'il pénètre le corps de la femme, il est automatiquement restructuré par l'énergie vitale de la femme, ce qui fait que le virus ne peut pas tenir. Il n'a pas de force. Mais vas-tu en venir à l'orgasme par la parole, là? Mais il y en a des gens qui vivent ça. Adolf Hitler avait un orgasme lorsqu'il faisait... Non, mais mélange-moi pas, là. Tu me parles de l'alcool et tout ça, là. C'est la relation sexuelle au niveau de la parole que je veux comprendre. Oui, mais viens-y. Parfait. Mais là, j'explique longtemps pour que tu comprennes. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Ça va. Tu vas pouvoir continuer quand même à rester ce que tu es. Merci. Tant que tu trouveras des femmes. J'ai de l'échapper belle. Tant que tu trouveras des femmes. On n'en manque pas. Pour l'instant. Alors, ce qui arrive, c'est que cette énergie que l'homme a besoin pour pouvoir se construire, cette énergie vitale, la femme n'en a pas besoin. Par contre, la femme, elle a besoin, elle, pour arriver à parfaire son intégrité mentale, à parfaire sa solidité dans le plan humain, sa solidité dans le plan planétaire, sa solidité expérientielle. Elle a besoin de combler une lacune qui est au niveau du plan psychologique. Et l'échange entre l'homme, l'homme a comme fonction d'aider la femme à évoluer, c'est-à-dire que l'homme est capable de combler cet échange, mais c'est toujours comblé d'une façon relativement contrôlée pour que la femme n'arrive pas à s'en sortir, de façon à ce que l'homme puisse toujours avoir de la femme ce que l'homme n'a pas. Et la femme ne donne pas à l'homme ce qu'il faudrait à l'homme pour que l'homme s'en sorte, de façon à ce que la femme puisse continuer à manipuler l'homme pour que l'homme lui amène ce que la femme n'a pas. Alors, ça crée évidemment le contexte de chicane, ça crée le contexte de tous les problèmes qu'on a entre la relation entre l'homme et la femme sont de cet ordre-là. La culpabilité, la manipulation et tous les mécanismes qui font que la femme ne veut pas trop donner. Parce que si elle donne tout à l'homme, l'homme est satisfait. La femme n'a plus rien. Et si l'homme donne tout à la femme est satisfaite, le bonhomme est tout seul, il n'y a plus rien. Alors, ce qui fait qu'on donne juste un peu pour recevoir juste un peu, puis ça marche comme ça. Alors, l'évolution, les deux s'entraident, mais les deux se nuisent parce que les deux ne savent pas ce qu'est l'évolution. Lorsque la femme va trouver un homme ou lorsque l'homme va trouver une femme qui sont capables de s'auto-donner ce qu'ils ont besoin pour enfin être libres, ils pourront travailler sur le plan d'intelligence ensemble, mais plus non plus être régis par le plan de la manipulation entre le couple, de la culpabilité, tout ce mécanisme-là. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, l'homme va être capable d'aller chercher une forme d'énergie vitale simplement par la relation de parole, tombe pas sur le derrière, reste assis, la relation de parole entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que l'homme va être capable de dire « Tiens, mais la femme est aussi brillante que nous autres. » Puis là, maintenant, moi, je me souviens qu'une femme, puis je pense pas un coup au lit, j'ose avec, je discute avec, puis ça me satisfait. Ça va. Puis à un moment donné, évidemment, l'homme va arriver à procréer, mais non pas seulement à faire des relations sexuelles pour passer le temps. L'homme et la femme, on va parler du couple nouveau, lorsque je vais être revenu du Pérou, on parle dans l'avenir, mais l'homme et la femme vont arriver à être capables de faire des choses, tous les deux, pour la même raison. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent pour la première fois, ou lorsqu'ils discutent, l'homme a une raison, la femme a une raison, et tous les deux jouent un jeu qui, à un moment donné, finit mal ou finit bien. Apparemment bien, ou bien, ou très mal. Là, à un moment donné, l'homme va être capable de rencontrer des femmes, de rencontrer des hommes, et il y aura un échange énergétique qui sera suffisant pour l'homme, suffisant pour la femme, et qui aidera la femme et qui aidera l'homme. Et lorsque deux individus comme ça pourront se rencontrer, on pourra dire que ce sera peut-être deux individus qui pourront s'unir et vivre le restant de leur vie ensemble, parce que jamais ils vont se séparer. Ils n'auront pas besoin de se séparer parce que ils n'auront pas l'impression à un moment donné que l'autre ne leur apporte plus ce qu'ils veulent. Et ils passeront pas toute leur vie à dynamiser le couple de façon à ce que l'autre y donne, parce que l'autre y donne, parce que l'autre, en tout cas, t'as toute la manchure au complet du couple conventionnel qui fait qu'on a un mariage, mais qui est nécessaire, qui est, même s'il n'est pas nécessaire, qui est obligatoire, qui est un état de choses parce que la femme ne comprend pas et l'homme ne comprend pas les différences fondamentales de leur existence et les rôles qu'ils ont à jouer l'un envers l'autre et les manipulations organiques ou orchestrées par l'expression des plans planétaires, que ce soit physique, vital, etc., qui obligent l'homme et la femme à s'auto-culpabiliser, à s'auto-manipuler de façon à avoir de l'autre ce que chacun n'a pas. Et comme je te dis, si la femme donne tout à son homme, le bonhomme, il veut plus rien savoir de la femme, il est correct. Tant qu'il n'aura pas besoin, ça va bien aller. Sauf si l'homme arrive à un plan d'évolution suffisant où il comprend l'harmonie et les nécessités de la femme, ce qui est déjà le début de l'homme transitif où l'homme et la femme vont comprendre l'autre. Évidemment, la femme va donner du sexe à son bonhomme va donner de l'affection à sa femme, et ils vont comprendre. Et l'homme va donner de l'affection, il va aimer ça, parce qu'il comprend ce qui se passe. Et la femme va aussi donner à l'homme de l'énergie vitale parce qu'elle comprend ce qui se passe chez l'homme. Puis à un moment donné, la femme et l'homme vont être capables de se rencontrer comme deux êtres différents mais égaux. C'est-à-dire que ce ne seront pas une rencontre en vue d'une manipulation future, une rencontre en vue d'un résultat que l'autre ignore. Moi, j'ai essayé de l'organiser pour l'avoir, si je l'ai eu. Bien, ça va disparaître au niveau de l'homme nouveau, au niveau de la femme nouvelle. On ne saura pas. On se pognera pas. Ça sera plus ma femme, ça va être Joséphine. Ce sera plus mon mari, ça va être Albert. Ce sera plus mon enfant, ça va être Pierre. Mais il y a plusieurs choses qui vont changer. Et la femme, elle va orchestrer beaucoup plus l'évolution matérielle de l'homme parce que l'homme a de la difficulté à faire, parce que l'homme l'orchestre en fonction de la psychologie de la femme. Et lorsque la femme va changer son contexte psychologique, lorsque la femme va être capable de s'aider elle-même au niveau du plan psychologique, ce qu'elle est en train de faire, alors l'homme ne sera plus capable d'orchestrer la matière parce qu'il n'aura plus de cheminement amené par la femme. L'homme ne saura pas quoi faire avec la matière parce que l'homme n'a pas besoin de la matière. Au niveau du plan psychologique, il en aura besoin pour d'autres raisons, mais ça, il ne le verra pas tout le temps. La femme l'a toujours vu, l'intelligence de la matière et l'utilité de la matière, même si elle est extrêmement colorée par des mécanismes hautement psychologiques, hautement astrales. C'est quand même la femme qui a amené ça. Donc, je comprends que dans une phase de mentalisation, à ce moment-là, qui se fait au détriment du corps astral. Il y a donc moins d'astralité dans l'un et l'autre des partenaires puisqu'ils se mentalisent. Donc, il y a moins de besoins astro, donc de besoins sexuels, etc. Psychologiques, etc. Ça va se faire tout naturellement, ça, sans choc, progressivement. Tu peux pas développer ça. Ça va se faire. Donc il y a un lien qui s'établit au niveau du mental, ou on va dire de l'esprit, plutôt que de plexus solaire à plexus solaire là, dans la relation. Donc ça n'enlève pas une possibilité de continuer la relation sexuelle, mais elle va être plus axée sur la procréation. Spécifiquement, l'intelligence, ça peut faire disparaître des sentiments comme la jalousie ou des choses comme ça. Ça peut pas rester. Si les êtres sont on se rencontre et on discute tous les deux, et lorsqu'on a fini, moi je m'en vais, je dors bien. D'être jaloux de quoi ou de qui? Et lorsque la relation se fait au niveau de la parole, la femme et l'homme vont comprendre qu'un homme puisse parler avec la voisine, puis que la femme puisse parler avec le voisin. Ils sont pas jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils vont... Rendu à ce niveau-là, il faut bien comprendre qu'il est rendu au niveau où l'homme et la femme échangent. Sur tous les plans, pas juste apparemment sur un pour aller chercher l'autre et apparemment sur l'autre pour aller chercher le premier. Sur tous les plans, il ne peut pas y avoir de jalousie parce que l'homme et la femme, rendus à ce niveau-là, donc au niveau de l'intelligence, au niveau de l'homme et de la femme nouvelle, ils comprennent les besoins, les nécessités fondamentales de l'être avec lequel ils vivent. Il a besoin de ça pour évoluer, pour s'améliorer. Si moi, je garde tout, je m'améliore. Puis à un moment donné, ma femme, je la trouve plus, je sais plus ce qu'elle est. Elle est en bas, elle comprend plus rien. Si ma femme évolue puis qu'elle me prend tout, à un moment donné, elle comprend plus que moi, je comprenne plus. Alors, si tous les deux évoluent, tu as besoin de différentes choses, tu dois aller les chercher. Et lorsque l'évolution va se faire au niveau de tous les plans entre l'homme et la femme, lorsque la relation va se faire, l'homme et la femme vont rester, disons, polarisés différemment, sauf qu'ils vont être suffisamment dans leur intelligence pour comprendre le rôle et la nécessité de l'autre. Mais pas juste au niveau du plan psychologique. « Ah, mon mari a besoin de temps en temps de coucher au bordel, fait que je le laisse aller. Tu sais, quand il revient, ben là, il est plus en forme. » Fait que tu fais un échange pour que lui te ramène plus d'affection. Tu sais, là, il est plus fun à la maison. Puis le bonhomme va dire, ben, ma femme a besoin de telle affaire, ça m'amène, ouais. Bon. Mais le bonhomme, il peut te ramener aussi autre chose que plus d'affection. De... Oui, aujourd'hui. Mais tu sais que le sida, ça les mythes pains mécaniques, par exemple. Non, mais le sida, ça a une très, très, très, très, très... C'est extraordinaire pour l'humanité. Depuis qu'on a découvert le sida, on parle moins de l'herpès, ouais. Alors, c'est extraordinaire. Alors, que l'homme ramène des choses, c'est parfait, ça. Il y a de la nouveauté, là, aussi. Hein. Ah, il y a ça, de l'imagination dans la vie, ouais. Ah oui. Alors, ce qui fait que la femme nouvelle est une femme qui va comprendre la matière de plus en plus. C'est une femme qui va être capable de faire tous les métiers que l'homme a fait, et elle sera au minimum l'égale de l'homme dans l'efficacité dans ses métiers, tandis que l'homme va passer à un autre plan. Alors, on peut presque dire, mais ce n'est pas le cas, que la femme avait une intuition dans le plan de l'astral, tandis que l'homme matérialisait des choses, et que présentement, ou vers l'époque nouvelle, l'homme va avoir une intuition supramentale, tandis que la femme va le remplacer au niveau de la matière. Alors, si à un moment donné, la femme avait les contacts avec des divinités ou des anges ou des choses du plan de l'astral, l'homme ne l'avait pas. La femme va s'occuper d'organiser la matière comme l'homme n'a pas réussi à le faire. Par contre, l'homme va être un peu plus dans les nuages, si on peut dire, quoique l'homme va être totalement efficace dans la matière, parce qu'évidemment, l'homme va comprendre comme plus réceptif peut-être aux autres dimensions. Totalement plus réceptif, et c'est par l'homme que l'énergie supramentale va être amenée sur le plan planétaire. Alors, c'est pourquoi on a le Nazaréen qui était un homme, c'est pourquoi il y a eu des apôtres, il n'y a pas eu de femmes, c'est pourquoi on a eu, nos grands initiés étaient des hommes, et prochainement, on aura, de plus en plus, on n'aura plus de grands initiés, parce qu'on aura une humanité comprenante, compréhensive. On aura des femmes qui auront les mêmes possibilités que l'homme, sauf que la femme n'exprimera jamais, comme l'homme, des énergies supérieures qu'elle pourra recevoir. Elle n'a jamais pu le faire, elle ne le fera pas non plus, mais les deux vont exprimer des choses intelligentes. Alors, là où on aura besoin d'un couple, il y aura un couple. Et là où on y aura besoin d'un homme ou d'une femme, il y aura l'homme et la femme. Mais la femme n'essaiera pas d'être l'égale de l'homme, l'homme n'essaiera pas d'être l'égal ou supérieur à la femme. Et les deux vont pouvoir travailler sans être hypocrites dans leur relation de travail ou dans leur relation affective ou dans leur relation familiale, parce que les deux vont être capables de se donner ce qu'ils ont besoin. Et de ce fait, si moi je suis contenté, je me fous royalement que ma femme sorte, je peux pas être jaloux. Je vais être jaloux lorsque je pense qu'elle donne à un autre ce que moi ne donne pas. Mais ça fonctionnera plus. Et la femme n'aura pas non plus besoin de courir ailleurs, à gauche ou à droite, ni l'homme non plus, parce qu'ils vont être suffisamment dans leur propre intégralité énergétique. Donc, ces mécanismes-là disparaissent. Alors, on reconnaît la différence de l'un et de l'autre, qui est une complémentarité. Là. Ce qui fait que d'ici quelques années, ou peut-être quelques siècles ou quelques millénaires, on aura des tableaux aussi, où il y aura un couple sur chacun des tableaux. Oui. Ça, le couple, c'est très banal, important. Ce que tu dis là, disons que c'est pour... ça détend un peu l'atmosphère ou ça amuse un peu, mais effectivement, à un moment donné, il y aura des couples, Mais ça, on va y revenir surtout après, après mon voyage au Pérou, donc en décembre. Mais est-ce que tu vas chercher un couple dans la jungle là-bas? Est-ce que tu as repéré quelque chose? C'est que tu vas faire au Pérou qui est en relation avec l'homme et la femme nouvelle? Non, ça, je vais en parler quand je vais revenir, de ce que je vais faire au Pérou. Tarzan et Chita ne doivent pas avoir de problème. C'est peut-être à cause d'eux qu'on a le sida. J'aimerais rajouter juste avant, disons, qu'on termine la conférence. C'est qu'on parle du couple. Et on parle aussi, disons, d'un tableau avec le couple. Et effectivement, on a dans les mécanismes de réincarnation, et je ne veux pas trop parler des phénomènes réincarnatifs, on en a déjà parlé suffisamment dans la conférence sur la réincarnation, mais on a différents types de réincarnation. On a une réincarnation qui, à l'échelle massive humaine, à l'échelle collective humaine, une réincarnation qui est pluralitaire. C'est-à-dire que plusieurs formes d'entités se réincarnent amalgamées ensemble dans un même corps. Ce qui crée l'évolution, comme la génétique le fait aussi. Or, ce qui fait qu'à un moment donné, si on a un Beethoven qui apparaît sur la planète, ben, il se trouve qu'il y en a un au Japon, il y en a un en Angleterre, il y en a un aux États-Unis. On a plusieurs jeunes prodiges qui sont tous un peu comme Beethoven. Et effectivement, ils sont tous la réincarnation de Beethoven. Beethoven ne s'est pas réincarné dans une entité. Parce qu'à l'époque de Beethoven, en regard avec l'évolution, disons, de ce bonhomme-là, il ne pouvait pas se réincarner intégralement dans un corps en gardant son individualité, sa personnalité. Et dans le même enfant qui reçoit, disons, des énergies Beethoven, il y a peut-être 300 autres énergies d'humains réincarnées en même temps chez lui, et l'enfant devra apprendre à faire une fusion psychologique dans son jeune âge pour ne pas souffrir de dédoublement de personnalité. De la mémoire, en fait, de tout ce bagage mémorique. Tout ce bagage mémoire-là devra être fusionné pour que l'enfant finisse par être un individu. À un moment donné, on a une réincarnation qui est individuelle, c'est-à-dire que l'homme arrive à être suffisamment dans son énergie pour que lorsqu'il meurt, lorsqu'il revient, il est lui. Il n'est pas amalgamé à d'autres. Et à un autre moment donné, on aura une réincarnation fusionnelle, c'est-à-dire que l'homme ne se réincarnera pas, mais il y aura une fusion entre une entité qu'on appelle une femme et une entité qu'on appelle un homme. Alors, lorsqu'on parle du couple, lorsque ce couple-là disparaît, il y a un être qui est maintenant hermaphrodite au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'il n'a plus de polarité réceptive ou donneur, et le couple, donc cette femme et cet homme, font un être, qui n'est plus une femme, et qui n'est plus un homme non plus. Et ça, évidemment, c'est plus loin. Mais il faut bien comprendre pareil qu'à un moment donné, et je ne fais pas référence à la Bible, même si la Bible fait référence à d'autres choses, qu'à un moment donné, l'humain existait et que de l'humain, on a eu l'homme et la femme. Et parce qu'on parle de l'homme et de l'humain, on dit que la femme a été créée de l'homme. La femme a été créée de l'humain et l'homme a été créé de l'humain. Et on a des polarités sexuelles pour des mécanismes de procréation, enfin les mécanismes qu'on a vus un peu, disons, ce soir, où c'était nécessaire que l'homme soit, disons, polarisé d'une certaine façon pour pouvoir courir après la femme, et que la femme se polarisait d'une autre façon pour pouvoir courir après l'homme, pour créer un contexte d'évolution comme on le connaît sur la planète. Les deux se sont motivés mutuellement. Exactement. Ben, alors, mais, ce qui a été divisé va être réuni, donc, est-ce que ça correspond à la période de la septième race, là, de ce qu'on appelle l'homme-esprit? Ça correspond à ce genre de choses, oui. À ce genre d'expression. Ouais. Alors, la semaine dernière, on avait une question. Si l'homme devient androgyne, donc si l'homme n'est plus sexuel, si l'homme devient immortel et si l'homme ne se reproduit plus parce que l'homme est immortel, comment vont faire tous les hommes ou tous les esprits qui attendent une réincarnation pour se réincarner? Alors, il faut bien comprendre que si on a 4 milliards d'esprits qui veulent se réincarner, sur ces 4 milliards-là, il y en a très peu qui vont subir une réincarnation individuelle. Donc, tous les autres vont se réincarner d'une façon pluralitaire dans un nombre de corps beaucoup plus limité, et à un moment donné, donc, tout ça se réunit de plus en plus par l'expérience. Exactement comme lorsque tu mets un enfant au monde, il y a une partie de ta génétique, de ton expérience à toi et de celle de toute ta lignée familiale qui va être mélangée avec celle de ta femme pour donner un enfant. Donc, tu as un mélange de tous ces mécanismes-là pour donner un enfant. Alors, tous les corps physiques de grand-papa à grand-maman, etc., de toi et de tout ça sont réunis dans l'enfant. La même chose pour la mère, ce qui crée un enfant qui a plus de possibilités évolutives parce qu'il a soit plus de tard, mais l'évolution fait que l'homme s'améliore. Il a toutes les qualités de la famille et c'est le même mécanisme au niveau des réincarnations psychologiques. Alors, on a des réincarnations pluralitaires chez la masse non conscientisée, chez l'homme qui n'est pas même pas conscient qu'il vit ou qui n'est même pas conscient de son existence réelle en tant qu'homme, qu'être évolutif. Et on a une réincarnation beaucoup plus individualisée par la suite. Et on a une réincarnation fusionnelle par la suite, où là, on n'a plus besoin de procréer parce que l'homme ne meurt plus. Parce que l'homme procrée parce que l'homme meurt. Et l'homme meurt parce que l'homme accumule tellement de mémoires que ses mémoires finissent par le stéréotyper et ses mémoires sont détruites à la mort de l'homme. Donc, l'homme meurt, les mémoires partent, l'homme revient, il est neuf. Il n'est jeté qu'aux mémoires sociales qui évoluent beaucoup plus lentement que la mémoire individuelle. Et lorsque l'homme devient désassujetti des mémoires collectives, lorsque l'homme devient androgyne, donc lorsque l'homme devient immortel, l'homme, l'humain, parce que la femme et l'homme deviennent immortels, évidemment, l'homme n'a plus besoin de procréer. Parce que l'homme se réincarne, l'homme est immortel dans la procréation. Parce que l'humanité est immortelle, c'est qu'on comprenne l'immortalité ou non, l'humanité est immortelle. L'humanité, ça fait combien de milliers d'années qu'on procrée? Et la même lignée de vie que nous appelons l'humanité a vécu des milliers d'années. Et même si des parcelles de cette immortalité meurent, apparemment, toi, tu revis par tes enfants, et tes enfants revivent par leurs enfants, et toi, tu revis par les enfants de tes enfants, et là, l'humanité est immortelle. Et si on dit qu'à un moment donné, si la planète explose, il reste plus d'hommes sur la planète, ben, faut faire attention, parce que c'est pas des choses qui vont se passer. L'homme va quitter la Terre bien avant l'explosion planétaire. Et les expériences, disons, ce ne sont pas les expériences qui étaient prévues, mais l'expérience cosmique a fait en sorte d'enseigner à l'homme que l'homme était immortel, l'homme était indestructible. Alors, on a, à un moment donné, fait sauter quelques bombes nucléaires, dont une à Hiroshima et une à Nagasaki, et on a des personnes qui, en plein milieu de l'explosion, ne sont pas morts. Parce que l'homme ne peut pas exterminer l'homme. Il peut exterminer des races d'animaux, mais l'homme ne peut pas exterminer l'homme. On n'extermine pas une race. On a essayé avec les Juifs, ça ne fonctionne pas. On a pu constater que des personnes ont résisté non pas seulement à la radioactivité d'une bombe nucléaire comme celle de Hiroshima, mais aussi à l'onde de chaleur, mais aussi à l'onde du souffle. Une personne, elle a vu un cheval se faire désintégrer devant elle, l'édifice en arrière qui était une église est parti en éclats, et elle n'a rien eu. Et il y a eu, dans ces deux villes, on a eu une cinquantaine de personnes qui n'ont pas été irradiées, qui ne sont pas mortes. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas détruire totalement l'homme. On n'extermine pas l'homme, ça se passe pas comme ça. Donc c'est l'humanité qui traverse le temps, c'est l'humanité qui a une certaine forme de, une possibilité de traverser la durée là, et au bout du compte, elle récupère toute son acquisition, toutes ses expériences, c'est l'humanité capitalisées. Qui évolue. Effectivement, c'est l'humanité qui évolue, parce que l'humanité, on la considère comme étant 4,852,000,000 d'individus, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'humanité, c'est une forme. Ça, c'est au bénéfice de la conscience, finalement. C'est le capital, exactement. C'est ça. Exactement. L'humanité, c'est une forme qui évolue à partir de l'individualisation de cette forme. Les hommes, les femmes et les enfants. Mais c'est cette humanité qui évolue. La société évolue parce que l'homme évolue dans la société. Mais l'homme évolue parce que la société évolue. Alors, l'humanité évolue parce que chaque être évolue. Mais chaque être évolue parce que l'humanité évolue. Ce qui fait que toi, si tu as une évolution extrêmement rapide, elle va être freinée par la collectivité. Mais tu vas quand même augmenter l'évolution collective. Et c'est l'humanité qui évolue. Et l'humanité est immortelle. Et l'homme est présentement une forme d'expression de l'humanité, donc de l'esprit qui explore la matière pour l'instant au niveau de la Terre. Mais faut bien comprendre que l'homme est quand même immortel, même si dans l'expression de l'humanité, il y a des transformations qui se font. L'humanité ne meurt pas. Alors, ça veut dire qu'en chacun de nous, là, individuellement, il y a une conscience qui est celle de la race aryenne, mais aussi de la race atlante, lémurienne, hyperboréenne, polaire, etc. Exactement. Depuis l'origine de l'implantation de l'humanité sur la Continuellement, Terre. Continuellement, et c'est pour ça que certaines personnes, à un moment donné, ont par leur intuition astrale, il faut bien remarquer qu'une personne, un homme qui devient voyant, a une transformation endocrinienne apparente. C'est-à-dire que si on fait une analyse sanguine, on va voir qu'il se rapproche dans son hormonalité d'un peu plus de la femme, et il aura des contacts. Alors, les personnes qui, à un moment donné, revivent des mécanismes atlantéens, comme dernièrement, on a de plus en plus au Québec des personnes qui essaient de réunir des Atlantes, hein? Bon. Alors, c'est qu'ils sont simplement en contact avec une forme génétique, qu'elle soit physique, qu'elle soit astrale, de mécanismes antérieurs qui se sont passés sur le plan planétaire, et elle individualise ce mécanisme, alors qu'en réalité, c'est un mécanisme humanitaire, c'est un mécanisme collectif qui ne peut pas être individualisé. C'est une mémoire qui n'est pas dissoute, en fait. Exactement, c'est comme si on dirait, est-ce qu'il y a des Atlantes ici? Ben, tout le monde en est, ou personne en est. Tu ne peux pas avoir un Atlante plutôt qu'un autre. Parce que l'humanité vient de la même place. Elle a passé par différentes évolutions. Alors, on ne peut pas. Par contre, on peut dire une personne est plus en relation ou elle est plus cristallisée par une mémoire atlantéenne qu'un autre. Mais elle n'est pas plus atlante, humanitairement parlant, qu'un autre. Alors, c'est comme parler de la race sémite, la race juive, ou parler de la race acadienne, non pas acadienne. Parler de différentes races, ce sont des transformations dans l'humanité, mais l'humanité reste que tout cela rentre dedans. On ne peut pas avoir de racisme au niveau humanitaire, comme on ne peut pas avoir de sexisme, parce que la femme et l'homme, c'est la même chose. Bon, alors si on capitalise toute l'expérience de l'humanité, là, par rapport au passé, on comprend ça très, très facilement, qu'on est un peu le résidu ou la totalité de toute notre expérience passée. Maintenant, pour s'en aller dans l'avenir, au niveau de la sixième race mère, de la race supramentale, là, ça prend donc des gens qui ont une intelligence prospective, qui sont capables de prospecter le futur, d'aller en avant, un peu comme des visionnaires. Est-ce que tu es un espèce de visionnaire? Alors, on va y revenir à la deuxième partie. Ok. Alors, on fait une pause d'une demi-heure. La cassette est maintenant disponible. Elle vous est donnée gratuitement avec l'achat du billet pour la prochaine conférence de Daniel.